Line-in, en ce 17 juin 2024, j'ouvre cette émission avec des citations, comme je le faisais, je le fais quelques fois encore, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fonctionné comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, juste améliorer un peu mon son, parce que j'aime pas trop. Ah, parfait, j'aime ça comme ça. Toujours rester digne devant le ping-pong. Et non pas le ping-pong. On peut, mais on ne veut pas. On peut, mais on ne veut pas. Magnifique fille, jamais frileuse. Et je parlais là de Colette Magny. La connaissez-vous, Colette Magny? Femme extraordinaire, féministe, intellectuelle. Elle a travaillé, Colette Magny, à rendre les femmes femmes et à rendre les hommes hommes. Ouais, ça sera pas la phrase du jour ni de l'année. Hein? Lorsque t'as, sans blague, l'hirondelle ne connaît pas la question. L'oiseau zone sous la houlette de la fée clochette. Là, ouais, comprend qui veut, comprend qui peut. Hein? Lorsque ta pantoufle flatte largement la curiosité de l'intéressé, on sent rapidement monter la fuite. Une autre, les ordinateurs à cette heure fonctionnent jusqu'à l'unisson. Elle connaît dans mon plus grand bonheur mon oncle Serge, qui est un chanteur québécois. Merci à la musique, la poésie et le cinéma de me laisser la tête hors de l'eau. C'est bien ça. Et là, pour terminer, en ce merveilleux 17 juin 2024, je termine avec Pierre Bourgault. C'est une citation de Pierre Bourgault qui dit « Le plaisir de la langue, c'est de pouvoir la parler sans effort. Or, quand on se refuse au départ l'effort de l'apprendre, on se condamne à parler avec effort toute sa vie. » Pierre Bourgault, extrait de La Culture, dit, ça c'est une phrase qui a été dite en 1996, alors maintenant, nous pouvons ouvrir comme une fenêtre pour laisser pénétrer ou sortir les oiseaux, sortir les idées, sortir l'imaginaire, sortir la création et surtout sortir l'absurdité de tout, du simple mot jusqu'à la vie que l'on vit actuellement. Mais la vie, on la vit, c'est certain. On devrait dire l'existence, quoique c'est presque semblable, pour ne pas dire synonyme. Aujourd'hui, le lundi 17 juin 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est la partie. C'est parti, mes amis, c'est parti. OK, maintenant. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et si vite s'en va, oh. ses premiers pas. Mais c'est la suite que je ne connais pas. Si je mérite ce qui m'arrive là, comment ça va, mes amis? Je tiens simplement à vous dire que les deux dernières semaines, nous avions comme musique dans la première heure Urbain Desbois et Nicolas Pogam. Mais là, j'ai voulu faire un lien avec Urbain Desbois parce que nous avons entendu Marie Laforêt. La comprenez-vous? Marie Laforêt, Urbain Desbois, Bois-Forêt. Oh! Ça commence fort. Ça commence très fort, oui. Et je vous le garantis que c'est vrai qu'on commence fort. Et pendant toute la semaine dernière, samedi, j'ai regardé un documentaire sur la vie, le début et la vie de mon ami Daniel Balavoine. Et il y a une chanson qui m'a surlupiné pendant toute la semaine et aujourd'hui encore davantage, c'est Lady Marlène. Lady Marlène, je me suis dit que j'allais me la diffuser, donc nous la diffuser maintenant. Et après, pendant la première heure, ce sera uniquement du Marie Laforêt. Mais on déroge un peu. Pourquoi pas? Parce que j'aime bien quand c'est libertaire, quand on peut faire, quand on peut déroger. Même si moi, c'est Rénal, et c'est pas Roger. Y en a-tu des Roger? Ah, on a des Roger, là, mais on n'a pas demandé à Roger. Oh, arrête. Lady Marlène, Daniel Balavoine. Balavoine. Vas-y, Daniel. Ne te gêne point. Chaussures me faisaient mal aux pieds. si sûr, creusait encore vers la liberté. Quand ils ont tiré, le que vous est rentré. Oui, je sais, moi, j'ai le que qui est rentré dans l'oreille. Aïe, aïe, donc, hein? Il ne sait pas, lui, préparer son son. Ben oui, mais je le sais uniquement quand je l'ouvre, là. Ben, désolé. Est-ce que vous saignez du tympan? Non, avec Daniel Balavoine, le tympan nous réjouit, le tympan nous rend intelligents, le tympan surtout nous rend humanistes. Un grand auteur, compositeur, interprète. Décédé, mais ça c'est tellement cliché, décédé trop tôt, trop jeune. Jean-Pierre Ferland aussi est décédé il n'y a pas très longtemps, au mois de mai. Non, à la fin avril, c'est vrai, en fin avril, il y a à peine 2 mois. J'y reviendrai, ne vous en faites point. Il a influencé le Québec, il a influencé la chanson francophone. On a parlé de lui, c'est ça qui est extraordinaire, en France, parce qu'il a travaillé quelque temps à ses débuts là-bas, et Barclay l'avait adoré, donc il a signé pour quelques disques, pour 5 disques, et par la suite, ben, il a dit « Ah non, moi je ne veux pas rester là-bas, c'est pas chez moi, je me sens pas à l'aise, je préfère revenir chez moi », donc de là la chanson, hein, c'est laquelle? Je rapporte avec mes bagages un jeune. Pardon? Je reviens chez nous, oui. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Si l'hiver est trop futé, on hibernera. Je ramène avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié sauvage. C'est le goût de mon potager. Marie, j'ai le cœur à l'envers. Je ne veux pas rester dehors. Le monde est en chamade. Il pleut au sud, au sud, au nord. Ça, c'est ma façon de... Non, c'est pas les paroles exactes. Mais lorsque j'étais petit, ma mauvaise blague, je n'étais pas grand. Non, je montrais mes fesses à tous les passants, mais pas juste ça aussi. Non, j'étais pas exhibitionniste. C'est une phrase là, que j'avais apprise lorsque j'étais jeune. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire là-dessus? Donc, de Jean-Pierre Ferland, bon jeune, moi, le gars avec mes bagages, un gars, mais il a fait tellement de chansons exceptionnelles. Et puis, sinon, vous, comment ça va? On parle d'exceptionnel. Vous l'êtes, vous, à votre façon. Tout le monde est unique. Tout le monde a sa raison d'être et tout le monde peut, s'il veut, tracer sa place, tracer son chemin, vivre sa vie parce qu'on est de passage. Et ce passage-là, ben, on le veut à notre image, pas toujours, dépendant de notre enfance, de ce que l'on a vécu, de ce que nos pères, nos mères nous ont ouvert comme chemin. Mais aujourd'hui, comme Brel disait, on doit désapprendre notre enfance. Hein, si elle a été difficile, si elle a été hors norme, si elle a été... chaotique, ou même si elle était très bien, il faut, peut-être avec des thérapies ou sans thérapie, la musique en est une thérapie, le théâtre, les livres, en parlant de livres, un écrivain qui est décédé quelques jours après Jean-Pierre Ferland, un Américain que j'adorais, que j'adore toujours, c'est pas parce qu'il est mort que je l'adore pas, et que j'ai suivi très longtemps, que malheureusement, dans les années 2000, quelques, j'ai abandonné parce que j'ai eu d'autres écrivains, écrivaines que je voulais lire. C'est Paul Auster, qui est né en 47 et qui est mort en 2024, et qui a écrit surtout sur les États-Unis, sur l'Amérique, sur notre Amérique, parce que nous sommes des Américains francophones. Et j'y reviens pas parce que vous savez ce que j'en dis de ça. Et j'ai parlé de Pierre Bourgault. Il a tout à fait raison. Et voilà, Paul Auster qui nous a quittés. Au début, vraiment au tout début, il a embrassé le mois de mai, le mois de Marie. C'est le mois, je sais, on n'est plus au mois de mai, mais on disait du mois de mai. Hein. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, pour la Vierge Marie, pardon. Là, je ne la chanterai pas au complet, faites-vous en pas, j'arrête là, parce que c'est le mois de juin. Le mois de juin, hein, c'est merveilleux, parce que c'est l'été, on embrasse tout le temps, on embrasse tout le monde, on touche à l'été, on se brûle à l'été, on s'enivre en été, on s'enivre de l'été, pas en été, on s'enivre de l'été, on s'inspire de l'été. On essaie de s'aliter, de se coucher, ben peut-être pas, pourquoi pas. On s'alite à l'été, mais peut-être aussi que ça vient de, comment je voulais dire ça? J'avais tellement la phrase intelligente, l'enfant qui naît d'un amour véritable, inévitablement ressemble à cet amour. Un enfant qui meurt d'un amour inévitable, inévitablement, ressemble à ses parents. Un enfant qui meurt. C'est pas ça que je voulais dire. Ah, mon Dieu. Je voulais parler de... Puis vous, mes amis, comment vous comportez-vous? Ah, moi, je me comporte comme je peux. Hein? J'ai dit à ma femme Viviane, j'ai dit Viviane, ma Viviane. Elle dit arrête de m'appeler Viviane, ça n'a jamais été Viviane, c'est Bibiane. Je dis genre, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Je dis toujours Viviane. Non, je glisse sur le V, non pas sur le B. Bibiane, c'est bien Bibiane. Moi, j'ai rien contre Bibiane. Mais quand je dis Viviane, ça veut vivre, comme Véronique Sanson. Pourquoi elle s'appelle Véronique Sanson? Véronique, pourquoi Véronique? Pour victoire, victoire, mais aussi vie. Mais c'est surtout son père qui voulait que ce soit victoire. Mais là, Bibiane. Peu importe, c'est toi, je t'aime. Ah oui, ah oui, je t'aime, je t'aimerai toute la vie. En parlant de vie, avez-vous vu la victoire de Viviane à la télévision? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il va là dedans, Jean-Marc. T'as-tu vu ça, la victoire de Viviane à la télévision? Ah oui, je suis plus comblé, moi. Je me suis décomblé. Ah oui, moi, je suis sur les internets. Puis j'ai acheté un bidule de branche sur ma TV, puis je regarde les émissions que je veux. Ben, je vais être à la télévision aussi, là. Mais ça me coûte pas hein, 0$, 0$. Je peux avoir des affaires en direct. Je peux regarder hey, depuis ce temps-là, moi. J'ai de la culture. Je suis cultivé. Je me cultive. Ah oui, je cultive mon intelligence. Comment faire? Comme là, c'est le début de l'été, là, ben, le début, hein, le 17, hein, on est 17 juin, donc faut, si vous ne savez pas comment faire, je vais vous apprendre moi, comment cultiver l'intelligence. Alors, comment ça se fait? Il faut un terreau fertile. Bon, comment on peut avoir un terreau fertile? Comme je le disais tout à l'heure, là, avec de la littérature, de la musique, du théâtre, du cinéma, de la danse et de la poésie. Tout ça dans un amalgame, la bande dessinée, mais j'aime pas la bande dessinée, mais c'est pas grave, c'est pas parce que je l'aime pas que je vous la propose. Pas bande dessinée. Comme disait, bande dessinée. On l'a déjà fait, ah ouais, c'est pas vulgaire, mais non. Alors, si on ne s'y attarde pas, si on ne l'épelle pas, si on ne recommence pas à le dire une deuxième fois, non, on frappe pas dans le gras. Quoique dans mon cas, j'étais un ancien grassouillet. Ah oui, mais le spaghetti m'a sauvé. Ah oui. Et sinon, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, la culture. Comment cultiver son intelligence? Ou comment cultiver sa culture? Cultivons notre culture. Culture américaine, nous, les Québécois, de l'Amérique du Nord, dans un coin très précis, hein, dans la ourlette, hein, qui détermine un peuple qui s'affranchit et qui vit un peu comme des rescapés en français, entourés d'amerlocs, entourés de tout ce qui nous englobe et qui nous raffine, qui nous détermine et qui peut aussi, sans aucun doute, nous anéantir. Et c'est de là l'intelligence de cultiver sa francophonie, mais pas juste la francophonie, hein. Tu peux parler toutes les langues, le portugais, l'italien, les langues arabes, les langues africaines, les langues nord-américaines, toutes les langues. Toutes les langues ont leur place, mais avant tout, la maternelle, la nôtre, notre mère, que nous aimons tous. C'est pour cela que, sincèrement, selon moi, toi, selon toi, on s'en balance de tes visions. Je connaissais quelqu'un, moi, qui m'a dit, moi, j'aimerais ça faire de la radio. Ah, mais c'est merveilleux, ça. Ça, quelques années. Ça fait à peu près 2-3 ans. Mais j'ai dit, puis il savait que j'avais une émission de radio. Et puis, écoute, amène un projet à CKRL, il n'y a pas de problème. Ah, il dit, non. Il dit, moi, je veux faire une émission de radio. Oui, bien, vas-y. T'as CKRL, mais t'en as d'autres aussi, là. Radio communautaire à Québec. Même au Québec, mais là, on est ici, hein, dans l'arrondissement Vieille Capitale. Bon, je fais ça ici. Il y a CKRL, CKIA. Mais voilà. Si tu es universitaire, puis même ils acceptent des projets autres, là, cheese, hein? il y a de la chaîne, il y a de la chaîne. Tu peux te mettre ça au cou, puis te promener comme un rapper en disant Moi, je fais de la radio. Francophone, je fais de la radio. Anglophone, je fais de la radio. Musicale, je fais de la radio. Culturelle, je fais de la radio. Jazz, je fais de la radio. Pop, je fais de la radio folklorique, je fais de la radio. blues. Je fais de la radio radiophonique. Il dit, oh non, non, il dit, parce que quand même, faire une radio, faire une émission de radio, ça demande une discipline, c'est à chaque semaine. Et puis, non, non, moi, je veux faire ça à la maison. Et puis, ben, moi, mon émission est faite à la maison. Non, non, non, non, non, non, non, non. Au moment que je veux, ben, ah, ben là, OK, c'est de tes affaires. Mais là aussi, ce qui est important, hein, c'est de savoir de quoi tu veux parler. Ben, j'aimerais parler de mes passions. Oui. Mais là, quand il a parlé de passion, je me disais intérieurement, qu'est-ce que ça peut intéresser, monsieur? On va prendre monsieur X, pour ne pas dire monsieur Triple X. Qu'est-ce qui peut intéresser monsieur Triple X à connaître la passion de Joe Blow? Moi, ma passion, c'est le culturisme. Le culturiste, moi, j'ai commencé à faire des gros bras, là. En gardant, moi, mes idoles, c'était les sumo. Et puis après ça, ben, c'était les catastrophiques. Les catastrophiques, ça, c'est des gens qui ont refusé d'être sumo et qui ont développé eux-mêmes leur force intellectuelle. La tête, dans la prison qu'on appelle la tête. Et puis la prison qui est la tête, là, ils l'ont comme grossi, ils ont mis du beurre là-dedans pour l'engraisser. Non, juste du beurre, pas de margarine. Hey, voyons donc, là, ça demande quand même de l'intelligence. La margarine, c'est pour qui la margarine? C'est pour les margariteux, mais qui veut être un margariteux, margariteux? Êtes-vous une margariteuse, vous? Dans mes muffins, je mange de la margarine. Pourquoi manger de la margarine, pas du beurre? Ah, ben là, le beurre, hein? C'est onéreux. Je connais madame, là. De la margarine plus chère que le beurre. Ouais, mais c'est plus gras. Ben oui, mais c'est plus gras, madame. C'est ce qui donne le goût à tout, c'est le gras. Ouais, mon mari me le dit régulièrement. Hein. Sa petite bataine, sa bédaine de graisse. Ouais, mais enlève-en un peu. Puis là, il me rétorque constamment. Chérie, tu m'as aimé pour ça. Comment ça, tu continues plus? Tu continues pas ce chemin extraordinaire que nous vivions à l'époque? Là, tu me trouves grossouillet. Tu veux pas que je change? Mais changer, c'est toujours un signe d'évolution. Évolution, notre mariage, évolue-t-il? Ah, ben là, demande à nos deux enfants. Ça, c'est comme le haut puis le bas, ça. C'est les deux solitudes. Ta fille, c'est autre chose. Mon fils, c'est autre chose. Hé, comment ça, ma fille, puis ton fils, c'est nos enfants? Oh, nos enfants, je comprends bien, là, mais moi, je suis plus proche de mon fils, tu sais. Quand je lui ai montré à jouer du badminton, ta fille, elle prenait le volant, puis ming, ming, ming, ming, le moineau, puis ming, ming, ming, mon fils, on voit qu'il y avait du dedans, hein? Il y avait du bonhomme dedans, tu sais, c'était moi, là, puis c'était comme nos triples, on faisait partie du même moule. Toi, ben, tu peux montrer à ta fille, je sais pas, c'est quoi ta passion? Ah oui, la chanson. Oui, mais moi, c'est pas n'importe quelle chanson, hein? C'est la chanson à texte féminine. Chanson à texte féminine. Tu parles de qui? Ben, on peut parler de... Ah, il y en a plein. Ici, au Québec, il y en a plein. Il y a Ariane Moffat. Oui. Il y a aussi... Ben, il y a une certaine époque aussi, Diane Dufresne. Ouais, mais Diane Dufresne n'a rien écrit. Attention, toi! Attention! Quand on a eu les années 90, là, fin 90, elle a commencé à prendre la plume. Elle a pris le pinceau aussi. Clémence Desrochers, c'est une bonne chanteuse, ça. Une bonne chanteuse, pas une bonne voix. Hey, attends un peu, toi. La meilleure personne qui peut dire ses chansons, qui peut chanter ses chansons, qui peut raconter sa vie, c'est bien celle qui met au monde des textes, qui met au monde une façon de voir la vie. Dans les il y en a le monsieur, là, Errance Renadienne, le monsieur Grenier, a parlé de Colette Mailly. Colette Mailly, c'en est une. Barbara, c'en est une. Au Québec, Monique Lérac, c'en est une. plus près de nous? Il y en a-tu plus près de nous dans les chanteuses? Hé, mon doux, il y a grosse bédaine, ma bédaine, la mi-bédaine, la bébaine. Elle faisait du folklore, mais elle épouse aujourd'hui le jazz. Elle fait du jazz folklorique. C'est comme Jérôme 50, mais au féminin. Hey, es-tu bon, Jérôme 50? Mais elle aussi. Elle, on dirait qu'elle a pris la gigue, puis elle se l'est chiquée. Tu sais, elle se l'est mise en bouche. Un peu comme Edith Butler, tu sais, elle s'est mis une langue en bouche. Elle dit, je viens de Caraquet, on va faire entendre tout ça, ça va, la sonorité va être caraquetoise, la femme va être caraquetoise, mais ces textes vont amener une ouverture pour les autres femmes, ça va donner une direction planétaire francophone, mais pas juste francophone, féministe. Ou féminine peut-être, plus que féminine que féministe, parce que féministe, ça renferme une certaine idéologie, mais féminine, ça ouvre toutes les autres, les autres volets. Marie Laforêt, quel beau volet, elle a rien, non, elle, c'est une interprète, une comédienne-interprète. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. La misère avec le bouton, voilà, là. Entre toi et moi, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un pas pour danser. Et entre toi et moi, il n'y a plus rien lorsque tu me tiens dans tes bras. Quand une chanson commence au ciel d'été, une chanson commence au verbe aimé. À la fête de Saint-Jean pour attendre demain. À la fête de Saint-Jean tu peux prendre ma main. Et entre toi et moi, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un pas pour aimer. Entre toi et moi, il n'y a plus rien lorsque tu me donnes un baiser. La chanson commence, fais-moi danser. Puisque la chanson commence, viens m'embrasser. À la fête de Saint-Jean, lorsque la nuit revient. À la fête de Saint-Jean, le jour n'est pas bien loin. Entre toi et moi, il n'y a plus rien qu'une larme au bord de mes yeux. Tu as fermé les yeux. Nous avons quitté la danse au petit jour. Nous avons quitté la danse pour un amour. Et lorsqu'un amour est né le jour de la Saint-Jean, je sais qu'on peut le garder très longtemps. Saint-Jean. 24 juin. Une autre chanson, s'il vous plaît, de Marie Laforêt. C'est des petites courtes, 2 minutes. C'est beau, j'adore. Bonne émission. Il me l'avait donné au doux soleil de mai. Je l'ai respiré comme on sent la montagne. Je n'avais pas compris que par elle je l'aimais et qu'elle devait venir d'un château. La fleur sans nom, je l'ai gardée serrée tout au long du chemin et je l'ai protégée comme un oiseau blessé, ne sachant que lui dire parce qu'il tenait ma main. Je lui ai fait sentir comme on donne un baiser. Comme une marguerite, je n'ai pu l'effeuiller. J'ai voulu dépasser l'espace d'un matin. Après l'avoir baigné, puis déshabillé, j'ai voulu l'endormir entre deux parchemins. La fleur, la fleur sans nom. Elle s'est desséchée, notre amour a suivi. Moi je l'ai conservée comme on garde un secret. Si je ne peux plus rien espérer de sa vie, elle ne me laissera qu'un parfum de regret. Juliette, Juliette, Juliette, tu sais que je vais me présenter malheureusement, oui, c'est mon inconscient, je suis trop stressé parce que, hey, je veux faire le conservatoire d'art dramatique de Québec. Bon, et puis, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on se présente avec, bon, tout, bon, en tout cas, j'ai un formulaire à remplir, puis tu sais, une présentation, je dois aussi me présenter, mais je dois me vendre. Puis ça, c'est épouvantable, vendre une idée, vendre une personne. Bon. Et puis surtout, à mon âge avancé, là, faire le conservatoire à 20 ans, quand on est on peut être enflammé à mon âge également, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais à 18, 19, 20 ans, on a la fougue. On est comme un cheval volant. Une licorne sans corne, pour pas enfourcher quand même Mozart, pour ne pas enfourcher, voyons donc, qui ça, là? Ben, moi je mettrais là-dedans, pas compliqué, là, Shakespeare, oui, aussi Molière, oui, mais Ionesco, ok, les contemporains, Michel Tremblay, oui, Rénal Gagné, C'est moi qui me présente. Ah oui, c'est ça. Et puis, il faut puncher. T'sais, il faut être reconnu et puis frapper comme une expression québécoise, frapper dans le dash. Alors, j'ai choisi Juliette, puis j'aimerais, sois honnête, là. OK, si ça ne vaut pas la peine, je changerai de sujet. Ou si tu vois vraiment que je n'ai pas cette flamme de comédien. Mais je veux pas juste être un comédien, je veux faire plein de choses. Là. Je veux rentrer dans la dramaturgie, je veux faire de la dramaturgie. Entrer, écoute bien, c'est comme le gars qui voulait entrer dans la police, il s'est tassé puis il est rentré dans le mur. Mais moi, c'est pas, non, je veux pénétrer à travers les mots pour amener une expression nouvelle. Mais je crois pas que, je parlais de Michel Tremblay, je crois pas que Michel Tremblay, lorsqu'il prenait la plume à l'époque, là, dans les années 70, il s'est dit, je défricherai mon propre chemin. Non, il a écrit sans savoir que tout ce qu'il rédigeait était d'une autre saveur, d'une autre vision, d'une autre orientation intellectuelle. Et ça a donné que Michel Tremblay a quand même explosé partout dans le monde. Donc, je veux juste... On me dit, tu présentes ton portfolio et tu te vends en moins de 2 minutes. J'ai pris une chanson de Barbara, mais un extrait, parce que ça dit pour qui, comment, quand et pourquoi. Contre qui, comment, contre quoi. Alors là, je dois m'exprimer, avoir l'intonation qui va, disons, non pas parce que j'ai dit exploser, mais qui va arroser l'imaginaire des gens qui seront là, parce qu'il y a cinq personnes qui sont présentes pour nous juger, donc 5 juges. Mais ils n'ont pas eu de formation, eux, là. Non, pas en art dramatique, mais je veux dire, ils n'ont pas eu de formation. Si t'es juge, là, tu dois connaître quand même la base en politique. Comment juger si t'as pas les principes de... Oui, exactement. Bon, c'est sûr que quand t'es comédien, oui. Mais comment peux-tu juger par ton expérience? OK, bon, j'ai rien à dire là-dessus. Non, c'est bien beau faire des grands signes. OK, l'expérience, elle écrit des trucs sur le carton. T'as pas besoin. Pas de carton. Non. Alors là, je dois trouver l'intonation pour dire pour qui, comment, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi. Mais je veux aussi présenter Barbara pour ne pas que les gens s'imaginent que ça vient de moi. Alors, j'avais eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école, sans rien avoir. Ça, c'est Hugo Frey qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. Non, c'est pas Hugo Frey, ça. Lui, Hugo Frey, c'est « Adieu, monsieur le professeur Zamba. » Et puis, ah non, l'autre, c'est « Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. » Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. C'est qui, c'est? Ben oui, c'est ce sacré Charlemagne. Alors, je commence, j'ai trois façons de vouloir dire le texte, OK, de Barbara. La première façon. Pour qui? Comment? Quand et pourquoi? Contre qui? Comment? Contre quoi? Dis-moi, Barbara. T'aimes-tu quand j'ai dit Barbara parce que je voulais pas commencer en disant un texte de Barbara? Les gens qui ont une connaissance là, générale vont savoir que ça vient d'elle. Ben, normalement, là, quand t'es en création, t'as une vision, une visibilité assez globale de tout ce qui est artistique. Là. Et puis, ma deuxième version, c'est... Pour qui? Comment? Quand et pourquoi? Contre qui? Comment? Contre quoi? Hein, Barbara? Ça, c'est le gars. Et puis, la dernière, c'est la plus émotive. Attention, ça demande toute mon énergie. Pour qui? Comment? Quand? Et pourquoi? Contre qui? Contre quoi? Barbara! Et puis, laquelle tu préfères? Aucune des trois. T'as-tu une idée, toi, de... Peux-tu me l'interpréter? Viens, Juliette, viens de mon côté. Viens de mon côté, on va te prêter le micro. Viens-t'en. Mais moi, je t'ai entendu, là, puis, mais écoute, j'ai étudié quand même 15 ans en théâtre. Là, c'est certain que là, je fais de la cuisine chez Rachel Bijoldeau. Mais oui, je suis artiste cuisinière. Je croyais être comédienne. Mais en tout cas, je voulais être comédienne, mais tu sais, ici au Québec, c'est pas payant d'être comédienne, surtout au théâtre. Si tu fais de la télé, c'est autre chose, mais si tu fais juste du théâtre, t'es en bas du salaire minimum. C'est pour ça que les artistes se rebiffent et ils ont raison. Alors, j'aimerais faire, moi, ton texte, Barbara. Et comme je connais pas, je connais Barbara, mais je connais pas vraiment ce que tu as choisi, je vais le lire, OK? Alors, moi, mon appart, c'est lancé comme ça. Moi, je suis une professionnelle. Bon, j'ai fait quand même l'école. Non, pas de l'humour, non, parce que je suis... Non, je suis une humoriste. Pas besoin de faire l'école de l'humour, là. Ça, c'est pour les gens qui ont pas de technique, qui sont pas drôles, puis qu'on leur fait croire que... Bon, hein, pardon? C'est ça. Alors, j'ai le texte mais c'est du ressenti, hein. C'est du ressenti. Ça vient de l'intérieur. Quand t'es un artiste, là, puis surtout quand t'es une comédienne ou un comédien, ça doit... couler de source. On ne doit pas sentir le travail. Quand ça sent le travail, ben tu te mets du désodorise. J'ai pas fait l'école de l'humour, mais ça vient tout de suite. Je suis seul dans la vie, moi. Fait que je fais... Ah non, j'ai pas à faire... Non, ça me dérange pas. J'ai mon poisson rouge, Hector Bédard. Connais-tu Hector Bédard? C'est une autre histoire, ça. Et puis, ben, je l'ai vu comme ça, moi. Moi, dans la création, c'est des apparitions. Puis aussi, faut se sentir aller dans la création et devenir une autre personne. On appelle ça... tu sais pas comment on appelle ça, hein? Non. On fait ça beaucoup en Afrique. J'en ai parlé quelquefois. Oui, tu t'en souviens pas. Bon, c'est pas grave. OK. Alors, je te la fais. Alors, c'est pour qui, comment, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi. Bon. Mais dans ma méthode à moi, OK, la transe va arriver. C'est ça, hein, que je te parlais de transe. Hein? La transe va arriver. Pour qui? Comment? Quand? Ouais, je sais qu'il n'y a pas d'écho quand tu fais ça à l'improvisation, mais c'était juste pour te montrer un peu, OK? Mais moi, je te le fais, là, selon mon ressenti. Pour qui? Comment? Et voilà, ça c'était mon ressenti, là. Mais tu vois, la tragédienne, hein, moi j'ai toujours été une Gréco, une Gréco, Juliette Gréco. Oui, puis dans l'interprétation, j'avais comme idée Juliette Huot, dans la Charlotte Prix Notre-Dame. Tu l'as jamais entendu? Ah, veux-tu que je la fasse? On n'a pas le temps. Ah, mon, faut passer à qui? À Marie, hein, comment? À Marie? Pas Marie Larbe. La forêt. OK. Alors, comment tu trouves mon... Ben là, écoute, ben, là, il est parti, je pense, là, en pleurant. Il va changer de métier parce que c'est toi la divine, c'est toi la représentation du théâtre québécois. Hein? Quand on parle de théâtre, on parle de toi. Ben voyons donc, j'ai fait juste pendant 15 ans, puis il faut y faire, pas faire d'argent. Je vais t'arrêter. T'es charmant, Marie Laforêt, c'est charmant. Un petit chien blanc et son Nicolas courent joyeux vers les champs de colza. Le chien en avance inventait des danses et ne vit pas la voiture bleue d'azur. Marcha longtemps le chien sur son cœur et s'arrêta dans un champ tout garni de fleurs. Il creusa un trou, puis sur son manteau coucha son petit chien fou sans un mot. l'a-t-on pleuré qu'un jour de printemps sur la tombe il a poussé trois chiens blancs. Et Nicolas chante depuis aux fleurs des prairies. Les enfants l'entendent encore dans les boutons d'or. Les nuits de gala, les petits chiens blancs valsent avec Nicolas dans les champs. J'aimerais vous faire entendre une chanson. Ben oui, mais bien sûr, Marie Laforêt. Mais j'ai oublié de vérifier quelque chose avant. Attendez un petit peu, OK? Ça vous dérange pas? Non, parlez entre vous, là. Hein? Ça fait plaisir. Parlez de votre fin de semaine que vous avez passée. Est-ce que c'était une belle fin de semaine? Oui. Bon, parfait. On va regarder combien de temps ça prend. Ça prend quoi? Ça prendra le temps que ça prendra. Non, mais attends un petit peu. On va cliquer ça de même. On va voir qu'est-ce que ça va me dire. Puis moi, je vais répondre à ce qu'on va me dire, là. C'est ça, la communication. C'est que quand on... C'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Elle me répond, je lui réponds. Donc, OK, ça dure 3 minutes. Alors, c'est une chanson de 3 minutes. C'est pas celle-là. C'est 3 minutes pile, donc c'est pas compliqué, 2:16. C'est une chanson d'Elton John qui a été traduite par je sais pas qui. Et je sais pas qui, vous connaissez pas je sais pas qui, non? Ah, oh, c'est celle-là, je sais pas quoi. Alors, c'est... je voulais vous la faire entendre parce que j'adore ça. La traduction, ben, je vous le dirai après. OK? On y va. Daniel est là sur le quai de la gare. Des gens passent, le train va partir. On reste là sans rien dire. Oh, oh. On s'est promis de ne pas pleurer. Oh Dieu, que je t'aime. Mais j'ai de la fumée dans les yeux. Je voudrais descendre ou t'emmener avec moi au soleil. Oh, on s'appellera demain, tu veux. Dieu, que je t'aime. Mais j'ai de la fumée dans les yeux. Je serai sage, tu sais. 3 jours, ce n'est pas si long, tu verras. Et lundi matin, tu seras là, à la plage, au creux de mes bras. Sur le quai de la gare, j'ai fermé les yeux pour ne pas voir Dani me dire adieu. Oh, oh, oh. J'avais promis de ne pas pleurer. Oh Dieu, que je t'aime. Mais j'ai de la fumée dans les yeux.

il faudra bien réessayer. Encore une fois, mon cœur. Ne me laisse pas. Et Dis-moi. Attends. Vas-y, dis-moi. Eh, Vincent. Vincent RC, on avait fait un atelier avec Jeanne Rochette. Ah, mais c'était avec l'atelier de Claude Lemel? Non. Ah oui, mais oui. La danse, hein, ce que j'appelle la danse, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est des... Tu connais Renal Gagné? Ben non, je ne connaissais journaliste pas. Journaliste québécois. Moi, journaliste. Ah, oh, moi, je dis journaliste pour faire pour expliquer. Je fais la radio, c'est quand même. Voilà. D'accord, oui. C'est ça, on était en train, tu vois. Oui, mais en fait, on était. Je devais se voir finalement, tu m'avais dit que 13h30 à l'autre bar, tu pouvais pas, donc je me suis dit, j'ai m'arrangé pour être. Ah, bah c'est excellent. Cool! Excellent, ah, mais je savais même pas que tu connaissais. Ah, bah non, mais. Tout le monde est petit. Ça fait moins de deux ans. C'était pendant le Covid? Sortir du Covid, c'est vrai qu'il y avait encore des restrictions. Et alors, attends, rafraîchis-moi la mémoire. Toi, c'était le comédien? Non. Ou la musique? Alors attends, c'est terrible. Moi, j'ai non, mais tu sais que le brouillard cérébral du Covid, moi, j'ai plein de trous de mémoire. Mais finissez, hein, moi, je me suis. Écoute, tu peux se joindre à nous, ah, si oui. Ça ne te dérange pas. Hein, bah non, bah, est-ce que tu veux te joindre à nous? Bah, écoute, bah c'est plus sympa. Mais non, viens, moi, j'ai rien à cacher, tu sais. C'est, je suis avec plaisir. On va faire un trio, on va faire un trio. C'est bien, c'est sympa. Viens. Et on en est... Qu'est-ce que je te disais? Si tu écrivais pour d'autres. Oui, bah, tu vois là, la bestiole, ça fait longtemps qu'on se tourne autour avec la bestiole. Déjà, parce qu'on a chanté, tu sais, les chansons de reprise d'Higelin, là, Champagne pour Higelin. Oui. J'étais dans une troupe avec d'autres artistes, ouais. Et on reprenait Higelin. Oui, et je les ai rencontrés comme ça. Il y avait la bestiole, Delphine Labbé, Olivia Zano, Armel Yons. Armel Yons, elle n'est pas dans la bestiole, c'est une artiste, mais tu la connais, Armel Yons. Bien sûr. Et donc voilà, donc on était tout un groupe avec notamment Paul Galliana, qui est mon guitariste, ouais. Mais qui est aussi artiste de son côté. Et on se tournait autour avec la bestiole, on essayait de. J'avais déjà commencé à envoyer des textes, puis ça, des fois ça emboîte pas tout de suite. Et là, l'autre jour, j'étais à une soirée privée. Il y avait Paul, sa femme, des amis, et il y avait la bestiole. Et je dis, oh là là, on a des vies de ouf, là. On a des vies de TGV. Et là, Delphine Labbé fait tilt. Il dit, ouais, c'est ça, on a des vies de TGV et tout. Je dis, bah, ça te parle? Je dis, parce que j'ai commencé à écrire un truc et tout. Tu veux, du coup, ça peut être ça que vous mettez en musique? Et donc, elle me dit, ouais, pourquoi pas et tout. On voit. Le soir, dans le métro, je rentre, je finis le texte. Je lui envoie à Olivier Azano. Ouais. Le lendemain, il m'appelle, il dit « Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la musique, tiens, voilà une démo. » Et voilà, c'est fait. Et donc, du coup, on a une chanson ensemble, ils m'ont fait une musique. Okay. Donc, quelque part, j'ai écrit quand même pour eux, mais c'est pour moi. Ouais. Mais j'ai écrit le texte pour eux, tu vois, en pensant à eux. Il y a des mots spéciaux qui viennent quand tu penses à quelqu'un, ouais, quelqu'un. Tu es toi, mais c'est une facette de toi. Spécial. C'est des tiroirs que tu ouvres. Ouais. C'est pour ça que j'adore collaborer. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça me démultiplie. Ouais. Et quand je travaille avec Marine Williamson, bah, c'est moi, mais c'est une moi que je connaissais pas. Quand je travaille avec Shadi Schumann, qui est mon réalisateur, lui, il voit en moi le meilleur. J'avais pas conscience de certaines choses qu'il est allé voir et qu'il a mis au jour, tu vois. Ouais. C'est hyper enrichissant l'autre. C'est vrai. On ne peut pas être en circuit fermé. L'autarcie, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Je suis désolée. Surtout pas en création. Bah, je pense. Après, il y en a. Mais après, ceci dit, moi, tu me mets sur une île, je continuerai d'écrire et après, j'aurai personne avec qui partager, mais je le ferai pour moi. Ouais. Je vais juste relocaliser les micros pour qu'on puisse t'entendre aussi. Bah ouais, quand même, tiens, regarde. D'ailleurs, je vais en profiter, tu veux, pourquoi alors, demandez, moi je vais reprendre un coca, tu vois. Quel tchatch! En fait, quand je suis avec toi, je suis bavarde. Mais c'est bien! Ah, c'est juste avec moi! Non, mais en fait. Non, non, c'est voilà, le j'ai, prétexte. J'ai essayé de me servir de toi pour le prétexte. Ben oui, je voyais bien mon côté bavard, mais. Ouais. Non, mais le parce prétexte. Que en fait, c'est ce que je disais à Rénal, moi je suis assez timide. Et du coup, comme je suis timide, j'ai contré la timidité en étant très extraverti. Mais? Bah c'est mais comme souvent les gens timides. Hein. Je me rends compte que je ne suis pas la seule à être comme ça. Il y a beaucoup d'extravertis qui au fond d'eux sont très timides. C'est des faux extravertis. En fait, je suis parti. Parfois, ouais. Mais toi, t'es parfois, un peu mais réservé, c'est pas... toi, quand même. Moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Mais je n'irai pas jusqu'à timide, parce que, au contraire, moi, justement, enfin... Moi, j'ai mis 30 ans, j'ai écrit tout seul pendant 30 ans. Ouais. Et en fait, ça pourquoi fait... parce que j'avais un espèce de syndrome de l'imposteur qui disait. On en parlait tout à l'heure, ouais. Ah ouais, ouais bien sûr. Qui disait, mais non, mais c'est moi, je vois rien. Enfin, c'est à force de proposer. En fait, au départ, je voulais proposer mes chansons aux gens. Et à force, pour proposer une chanson à quelqu'un, tu la rechantes. Oui. Et à chaque fois, on m'a fait. Vas-y, toi. Bah oui. Tu fais ça bien. Comme Boris Vian. Non, c'est vrai, Boris Vian. Plusieurs. Pas juste bien, mais ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est ça. Donc, Y a un chemin à faire hein, pour ouvrir la clé de nos cages. C'est ça. Mais après, j'ai découvert que finalement, j'adorais être sur scène. J'ai un côté réservé, un côté timide. Par contre, être sur scène, en fait, j'adore ça. Parce que tu l'oublies à un moment donné, cette timidité-là, quand tu montes sur scène, t'es plus, c'est plus toi, c'est plus Vincent, c'est... Ah, au contraire, c'est lui, c'est complètement lui. Au contraire, c'est très personnel. C'est toi au carré. C'était justement parce que c'était très personnel que j'ai pas fait... Enfin, dans mon, je ne suis pas que artiste, malheureusement, mais dans mon boulot... Comme plusieurs. Dans mon boulot, j'anime des séminaires, j'anime des formations, j'anime plein de réunions. En fait, je m'aperçois que je fais dans mon boulot ce que je fais aussi pour la musique. Il y avait sa valise qui se barrait dans la rue. Ça arrive souvent. Mais en fait, quelque part, des fois, le job alimentaire, il permet aussi de faire soupape et d'alimenter la créativité. Hein. Ah bah ça fait oui, il y a des... Même si c'est quand même une sacrée contrainte. Ah ouais, je confirme. Surtout que moi, en plus, c'est là. Mon boulot me permet d'être à Paris souvent. Sinon, t'es en région ? Moi, je suis en Normandie. Ouais. Ok, ouais. Donc, c'est pour ça que quand tu m'as dit recaler, je me suis dit, bon, écoute, je vais m'arranger pour être là à 13h30. Ah, c'est gentil. Et puis voilà, parce que là, normalement, je suis au boulot. Ok. Mais... On va essayer de te la... Non, là, tu fais ! Non ? Bah non ! Ah bah moi, c'était pour toi. Elle a faim, faut qu'elle mange. Elle va pas me piquer, du moment qu'elle me pique pas. Je te remercie, Vincent. Mais un petit garçon de 8 ans qui me guide vers... la non-violence avec même les insectes les plus moches. Ouais, mais alors les guêpes, je t'avoue que moi. Mais elle est pas si moche que ça. Mais la guêpe, elle va. Ah poupoupou. Mais non, les petites mangent pas les grosses. J'ai peur des guêpes. Non, mais tu vois, c'est pour ça que voilà, on va y aller. Mais faut bonjour, pas la tuer. Bonjour. Je vous prends un Perrier, moi. Moi, je veux bien un Coca Zéro à nouveau, s'il vous plaît. Merci. Cyril ? Non, mais en fait, tu vois, le paradoxe. Carrément, on m'a pas piqué, je pense. Mais non. Ben non, on peut pas te piquer aussi rapidement que ça. Tu crois? Ben non, elle doit se poser. Ben non, c'est pas un avion qui t'arrive dessus. Puis j'aurais mal, surtout. Oui, t'aurais mal, ouais. Non, c'est impossible. Je travaille vachement sur moi parce que j'ai la trouille des insectes, quand même. Enfin, pas tous, mais les trucs qui piquent. Oui, non, mais moi, moi aussi, j'aime pas ça. Tu l'aurais tué, toi? Ah, moi, j'aurais tué, oui. C'est triste. Ben oui, mais tu le regardes, regarde pas. Elle est partie, finalement. Ben, elle mourit peut-être un oiseau. Peut-être. Oh. Ouais. Mais elle pique ta curiosité de beaucoup. Regarde-moi, tu vois, j'ai remarqué un truc. Le monde, il a l'air de rien comme ça. Mais moi, j'habite à Vincennes maintenant. On habite à Vincennes depuis 2 ans. Je suis arrivée sur les fenêtres, l'appartement. Les gens qui y habitaient avant, ils mettaient pas de plantes du tout. J'ai mis des plantes. Le lendemain, il y avait... des abeilles. Oui. Une colonie de je sais plus quoi qui s'est installée, des petits cloportes dans mes abris à insectes. Une pigeonne ramier qui vient depuis. D'ailleurs, elle a le coup, c'est un rappel. Ouais. Elle vient faire son œuf devant ma fenêtre. J'ouvre mes fenêtres, j'arrose, elle s'en va même pas. Le monde, la nature en fait, est là. Il suffit juste de. Bon, tu peux par contre juste éviter de me. Voilà. Oui, elle est un peu envahissante quand même. Je crois qu'on se retrouve. À la fin, elle va manger un morceau, elle va se barrer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça mange de la viande, une guêpe. Hein. Je crois pas. C'est carnivore. Ah, ben si. Ben non, c'est les fleurs. Ben non, c'est les fleurs. Non, une guêpe, ça mange de la viande, je te jure. Ça peut être une bonne guêpe. C'est le quart d'heure. Non, c'est une vraie saloperie, une guêpe. C'est pour ça que moi, j'ai pas trop de près. Ouais, mais pourquoi la tuer ? Il y a des saloperies. Et dans ce cas, on a du ménage à faire chez nous. Ah, bah ça, oui. Oui. Sors ta Kalachnikov. Hein. Ouais. Oh, je crois qu'il y en a suffisamment de sorties en ce moment. Voilà, on est bien c'est d'accord. Pas la peine. Donc, n'ajoutons pas de violence à la violence. Voilà. En fait. On va sortir, oui, bah oui. À la vôtre. À la musique. C'est, ouais. C'est génial de se recroiser, tu vois. Moi, je parlais voilà. de synchronicité tout oui, à l'heure. Voilà. Et voilà. Et du coup, c'est drôle de se revoir. Bah oui. C'est un plaisir. Bah oui, moi aussi. Vous avez des... Mais il y a combien de temps? Mais ça doit faire 2-3 ans, je pense. Ok, avant le Covid. En non, plus, je pense non. à La Chèvre c'est tout c'est le temps. C'est pas grave, on va piquer puis on va s'en aller. Vous connaissez le film La Chèvre oui. avec... Oui, Pierre Richard, ben oui. Ah ben oui, puis là, avec la guêpe et puis, tout, ça de me Dieu. Fait... Ça me fait tellement rire, là, je te vois... Non, non, laisse-la. Elle est partie. Mais... L'homme avançait tout seul à travers le désert. L'homme avançait tout seul sans regarder derrière. Vêtu d'un seul jean noir, des cousures brisées. D'apalant il allait sans y vraiment penser. Ainsi pendant un jour, puis pendant une nuit. Puis un deuxième jour, une deuxième nuit. Toute une semaine jusqu'à ce qu'il ne reste que le désert au nord. Au sud-est, à l'ouest. Enfin il s'arrêta, contempla tout ce vide, tout ce sable si blanc, si fin, sans une ride. Plus rien, rien que du sable à tous les horizons. Il sut qu'il mourrait là sans aucune raison. Il resta debout tout un jour, toute une nuit. Puis un deuxième jour, une deuxième nuit. Le vent sur sa peau brûlée, il restait debout. Au bout d'une semaine, il tomba à genoux. Son corps était fourbu d'une saine fatigue, mais la joie dans son cœur semblait danser la gigue. Encore une semaine, il vécut à genoux. Enfin il s'écroula, heureux, seul, loin de tout. En moins de 4 jours, restait seul son squelette, mangé, vidé, rongé par des milliers de bêtes. Mais son crâne à jamais conserve son sourire, et certains soirs encore, on peut l'entendre rire. Conserve son sourire, et certains soirs encore on peut l'entendre rire. Ouais, oui, enfin bon, en tout cas, oui, écrire pour les autres, c'est. Enfin, moi j'ai besoin de travailler avec les autres. Que ce soit faire les chœurs, voilà, j'ai fait les chœurs pour Marine, j'ai fait les chœurs pour Armel, Yons, j'ai fait les chœurs pour. Bruno Bazinet, là, ça fait la deuxième fois. Il prépare un nouvel album, là, encore. Okay. Bruno Bazinet, il a Ulule en cours. Il lui reste, genre, 6 jours. Oh. Est-ce qu'il a dépassé? Il est à 40%. Oh, pas beaucoup. Faut vraiment c'est le 31 octobre 2020. Ah, oh. C'était il y a 3 ans. Ah, c'était je avant. Je me souviens qu'on avait échangé sur Messenger après le truc et... Donc, du coup, j'ai en fait, j'ai retrouvé. Quel mois? Octobre 2020. Octobre. Tu vois, moi, j'ai perdu pas mal de mémoire. Mais octobre, c'est pendant le... Bah, c'était le début du ouais. cloisonnement, enfin... Nous, il, ça c'est il y a dû avoir un reconfinement après, je pense, mais... Nous, ouais. c'est le mois d'avril. On avait la salle, mais on avait les fenêtres grandes ouvertes partout. Ouais. Mais c'était bien. Ça nous a tous fait du bien, ce stage. Jeanne Rochette, là-dessus, elle m'a apporté beaucoup aussi, hein. Bah, moi, elle m'a... Moi, je pense à elle à chaque fois que je chante, parce que... Ah, bah, ouais, oui. Ouais. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est... En fait, moi, je suis autodidacte et j'ai pris pris quelques cours de chant avec Jeanne. Et en fait, moi, j'ai plutôt une culture pop-rock, enfin même si j'ai une bonne culture chanson française, enfin je pense. Moi, j'ai été élevé à Brassens, Brel, etc. Donc c'est, voilà, c'est la base. Brassens, c'est la base. Hein. Non, voilà. On est d'accord. Renaud aussi un peu quand même. Mais ouais, Renaud beaucoup. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup écouté tout ça. Mais en fait, pour le chant, j'étais plus sur des standards de pop-rock. Sauf qu'en fait, la chanson, enfin, tu ne chantes pas la chanson française comme tu chantes du pop-rock. Et moi, j'essayais de chanter en propulsant vachement la voix. Alors qu'en chanson française, tu te rapproches plus de la voix parlée. Ouais. En fait, à la Gainsbourg. Et c'est Jeanne qui m'avait expliqué ça, de me dire, mais en fait, en chanson française, tu mets des notes dans de la voix parlée, pas l'inverse. Ouais, effectivement. C'est vrai. Et donc j'y pense tout le temps. Alors quand tu écris, tu as sa voix qui est en haut, en sourdine, et qui te le rappelle? Non, pas quand j'écris. Ok, quand tu chantes. Mais quand je chante, ouais. Ok. Quand je chante, je repense souvent. Alors pas en permanence, mais... Non, là, sinon ça devient... Du coup, la veine pop-rock, t'en as fait quoi? Ça se ressent quand même un peu dans les arrangements. Mais maintenant que je joue en groupe, il y a de temps en temps quelques arrangements qui font un peu pop-rock. Mm-hmm. Il y a un petit solo de guitare électrique dans un milieu de truc. C'est quoi, ça fait du bien, hein. C'est quoi alors ton groupe du coup maintenant? Bah en fait, ça s'appelle toujours Vincent RC. D'accord. RC pour... En fait, c'est les initiales de mon nom de famille. Ok. Mais comme mon nom de famille est un peu compliqué. Ok. J'ai piqué le truc à Alexis HK. Ah oui, bah oui. Parce qu'il a un nom, c'est vrai. Je sais plus, mais accouché dehors. Ouais. On lui dira. Non, mais c'est non, pas. Non, mais je plaisante. Je sais plus ce que c'est son vrai nom, mais. Le tien? Non, mais c'est un truc arménien. Je t'en suis. Un truc long, et enfin bref. Alors le problème c'est que... On ne saura pas. Ne pas le dire, hein. Non, on ne saura pas. Hein? Mais c'est, quel est ton nom? Mon vrai nom, c'est Ray Capet. Alain Capet. Ray Capet. Ray Capet, oh. Deux mots. Bah. Voilà. Il se passe des choses très très mimi derrière toi. Regarde-moi ce petit bout. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à la chanson, Vincent? Qu'est-ce qui m'a amené la chanson? Mais tu attends qu'on en parle tout à l'heure ou on peut y aller? Non, ce qui m'a amené la chanson, je pense que c'est un besoin. En fait, j'ai commencé à écrire des textes au lycée. Pareil, au lycée, j'ai commencé à prendre une guitare et puis j'ai commencé à les mettre en musique. Et en fait, c'est devenu finalement un besoin. Enfin, ça s'est fait naturellement et c'en est devenu un besoin. Et plus ça va, plus c'est un besoin. Donc, ça devient presque un battement de cœur qui se fait automatiquement, t'as pas à y réfléchir. Ça. Non, c'est l'avantage, c'est que comme du coup, c'est pas grâce à ça que je mange. Donc, Non, pas encore. Pas encore, oui. Moi, tu sais, je dis tout le temps, les gens qui me disent est-ce que tu vis de ta musique? Je dis je vis pas de ma musique, mais je vis pour. Oui, ouais. Bah, le faire, c'est mieux, non? Bah, c'est pas mal. Mais j'aime bien. Alors, tu vas l'utiliser? Oui. Tu cites 4 floristes. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Voilà, je suis prêt. Tu es pas d'auteur, mon chéri. Non, mais il faut de la pub quand même. Vous attirez les hommes, je vois. Dire. Mais les abeilles aussi, hein. Les quoi? Les hommes. Les hommes et les abeilles. Vous attirez les oranges. Oui, et les abeilles. Ah, les abeilles. Qui gravitent autour de ton. Les guêpes. Ouais, voilà. Non, mais on peut pas la tuer, hein. Non, mais elle veut pas. On était à ça de lui trancher la tête. C'est ça, mais regarde, elle te suit. Pourquoi? Mais là, regarde, elle te suit. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, Bernard? Que je vis pas de mamie. Non, mais alors, du coup, j'ai pas de pression à créer. C'est l'avantage, c'est que j'ai pas de pression à créer, mais par contre. En fait, ça devient nécessaire. Monsieur. Je sais que là, la dernière chanson que j'ai écrite, ça doit faire 2 mois. Et là, je sens que ça commence à faire longtemps. Okay. L'autre en attire une autre. Bah, ouais. C'est l'occasion de comprendre un petit peu ce qui se passe quand une femme va faire son bébé. Il y a un truc comme ça. Moi, je le compare vraiment avec la gestation, l'écriture. Ça couve, ça se construit malgré toi, en dedans. Ça se construit la nuit, ça se construit le jour, tu y penses comme ça, tu sais que c'est là, mais c'est pas encore là, et un jour c'est là. Non, mais ça travaille derrière. C'est en toile de fond, comme un ordinateur. Ouais, c'est ce que j'appelle la mémoire RAM aussi, ouais, c'est ça. Exactement. Ça continue à tourner derrière, et à un moment ça sort. La gestation d'une chanson, je crois, ou d'un texte, d'une œuvre d'art, elle se fait en filigrane. En fait, c'est Gauguin qui disait « On ne fait pas de progrès en peinture, on en fait dans la vie. » Ça marche aussi avec la musique. Ça marche aussi. En fait, c'est pour ça, quand tu parlais de besoin, ça s'est fait naturellement. Mais en fait, c'est un pléonasme. Toi, tu fais partie des gens, moi aussi, je pense, pour qui écrire, créer, c'est un besoin naturel. Oui, déjà, c'était... Parce que c'est notre nature. Oui, complètement. Et des gens, leur nature, ça va être danser. C'est ça. Tu vois ? Ce qui n'est pas mon cas. Pas que tu danses bien. Non, pas trop. Non, non. Mais bon, je pense que de toute façon, la danse, c'est quelque chose de naturel chez l'enfant. C'est vrai. L'enfant danse naturellement. C'est vrai. On le perd. Il suffit de le retrouver. Ouais. Mais l'enfant crée naturellement. Voilà, bien sûr. Moi, je suis toujours épaté. Créer, c'est naturel. J'ai une fille qui a 8 ans, enfin, qui va avoir 8 ans aussi. Mon fils aussi, il a 8 ans. Moi, quand je la vois faire cette histoire avec ses mobiles, ses machins, elle est toute seule. Enfin, elle fait sa vie, elle fait ce que. Comment elle ouais. C'est une imagination débordante. Elle se fait ses histoires, quoi. Moi, je trouve ça trop cool. Mais exactement, on le perd, ça. Naturellement. Mais on le perd. Malheureusement. On le perd. Moi, j'ai pas perdu, moi. Moi, tu me donnes des Playmobil, je joue, là. Ah oui. Oh. Ah, moi, j'ai du mal. Non, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'adorerais même des fois. Le problème, c'est que... Non, tu me donnes une boîte de Lego, je construis, ça, d'accord. Ah, bah voilà. Ah, ça, c'est plus masculin, il paraît. Moi, je sais pas. Moi, j'étais frustrée quand j'étais petite qu'il n'y ait pas des Lego pour les filles. Maintenant, il y en a. Maintenant, ah ouais. Bah ouais. Mais c'est quoi la différence? Maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus de genre. Maintenant, non, Lego pour les filles. Par contre, les Playmobil, je les trouve moins bien que ceux de non, mon mais c'est époque. Quoi la différence entre celle des hommes, celle des garçons et celle des filles? Bah, il y en a un qui a un zizi, l'autre une zizette. Non, non, non, non, non, c'est pas sur le sexe. Mais les blocs Lego, les Lego. Les Lego. Faut tout lui apprendre. Bah oui, ça c'est. Les Québécois. Faut tout lui apprendre. Non, mais c'est quoi la différence entre Lego et des... Québec? Oui, c'est pas, ça. Hein. Les personnages des Lego Friends, les Lego des filles, ils sont tout fins. Alors que tu sais, les personnages oh, Lego, c'est vrai. C'est surtout, t'as des univers autres que la bagarre. Je dis pas que la bagarre est réservée aux hommes, mais bon. Ouais. C'est Renault quand même qui disait, en parlant de Madame Thatcher, qu'à part Madame Thatcher, c'est quand même l'agressivité, quand même pas mal réservée. Ouais. À l'homme, après, c'est un petit peu simpliste, mais j'adore Renaud, donc il l'a bien fait de le dire quand même. Oui. Surtout qu'il l'a tellement bien dit. Mais là, il devrait arrêter de le dire. Non, mais alors moi, j'adore Renaud, même aujourd'hui, oui. Ah ouais. Bah, il traverse des épreuves. Ouais, mais t'es capable d'écouter un spectacle de 2 heures de Renaud. Oui, parce que c'est Renaud. Ouais, mais c'est unique, hein. Parce que c'est Renaud, c'est mon. C'est un tuteur, dans tous les sens du terme, Renaud. J'ai grandi grâce à lui. Ouais. Donc l'artiste, la femme que je suis aujourd'hui, je lui dois tout. Et puis il m'a appris plein de choses, il m'a enlevé les mots de la bouche. M-A-U-X, ouais. M-O-T-S. Il y a plusieurs chanteurs, chanteuses, écrivains, paroliers qui disent que depuis que Renaud écrit en cloque, on peut plus écrire une chanson intelligente sur le fait qu'une femme enfante. C'est sa chanson préférée d'ailleurs, je crois, Renaud. Oui, mais c'est vrai que... Elle est magnifique. Oui, il n'y a plus personne qui peut écrire quelque chose de mieux. Disons que c'est en... Il y a quand même des très belles choses qui sont... Non, mais Renaud, de toute façon, c'est difficile. Non, mais laquelle peut dépasser celle-là? De toute façon, c'est difficile de faire mieux que le mieux de Renaud. Ça, c'est du mélancolique. À chaque fois que tu l'entends, tu fais ton cinéma. Ça te rappelle des trucs, cette espèce de musique. Ça te rappelle Germaine, mais ça, tu l'iras pas. Écoute pas ça, je te dis, t'as déjà l'œil qui brille. Tu tires sur ta cibiche comme au bal des pompiers. Il paraît que tu savais baratiner les filles. Paraît qu'au chamboule tout, t'étais toujours premier. Je vois l'accordéon tourner sous ta casquette. C'est comme la foire du trône, réveillé d'un seul coup. Quand on a 18 ans, c'est merveilleux la fête. Ta présence est foutue, tu n'y vas plus beaucoup. « Pépère, écoute pas ça et parle-moi Germaine. Il paraît qu'avec elle, t'avais le sifflet coupé, que tu venais la chercher chez papa toutes les semaines, en promettant surtout la ramener pour souper. Pépère, écoute pas ça, tu vas pleurer par terre si tu rentres chez toi avec des yeux rougis. Mémène, elle va penser que t'as forcé sur l'air, elle comprendra jamais que le bignou t'a surpris. C'est pernicieux comme tous les pianos à bretelles, ça vous balance des airs, oh décrochez-moi ça, des sonates à deux ronds dans le fond des ruelles, avec des mots tout neufs qui n'en finissent pas. Pépère, on va rentrer, vas-y, finis ta bière. Il est minuit passé, c'est plus les heures pour toi. Le patron du bistrot va boucler ses lumières. Et pour le dénicheur, ce sera la prochaine fois. Non, mais sur l'histoire d'une femme enceinte, c'est lui qui a touché. Bah ouais, bah, il a tout dit. Ou même dans mon sac, quand il parle... Enfin bon, moi, tu me branches Renaud. Moi, ce que je dis sur Renaud, c'est que Renaud, il s'est sacrifié pour nous. Un peu comme le Christ, tu vois. Oh. Moi, je crois pas en Dieu, hein, mais ouais. Renaud, il s'est sacrifié pour nous. Parce que moi, qui suis hypersensible, j'ai connu ça dans ma vie. J'ai plongé dans des choses, j'ai analysé des choses. La crasse... La mienne, la crasse normale de l'humain, quoi, tu vois, la crasse, la mienne, mes questions, mes interrogations, mes côtés sales, mes côtés d'ombre, mes côtés dégueux, mes côtés violents, mes côtés agressifs, tout, mes côtés tristes, tout ça, j'ai tout cherché, j'ai mis en mots, ça sortait. Moi, quand j'étais ado, j'écrivais des choses assez sombres, je faisais du rock, hein, beaucoup, tout, donc c'était... Et Renaud, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mineur de fond. Sans jeu de mots avec l'histoire de Germinal et tout. Il est allé chercher... Non, de Claude Nougaro aussi. Il chante une chanson mineure de fond en parlant de Gainsbourg. Mais il est allé chercher Renaud en lui et dans l'humanité, tout le dégueu. Et c'est hyper violent. Tu sais que lui, il a été traumatisé, Renaud, quand il est allé en Russie. Ouais, il a été très déçu. Ouais, ouais. Les illusions d'enfant sont tombées. Ça l'a traumatisé. Ouais. Il a un sérieux problème. Il est malade. Il a l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est une maladie déjà. Oh oui, bah oui, oui. Et ensuite, il souffre du monde. Il a mal au monde. Moi, j'ai mal au monde aussi. J'ai toujours eu mal au monde. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que je suis pas alcoolique. Mais moi, quelqu'un comme moi qui touche à la drogue, je suis excessive. Moi, j'ai pas passé mon permis moto, valait mieux pas. Parce que je pense que dans un moment, soit d'extrême bonheur, de vitesse, ou dans un moment d'extrême souffrance de la vie, parce que ça arrive, je me serais flinguée. En moto, par exemple. À partir du moment où j'ai été avec mon mari, avec Mathieu, j'ai arrêté de... Je faisais de la moto en passagère. Okay. C'est mieux, ouais. Ouais. C'est plus prudent. Mais ouais, mais bah non, pas ou trop, pas. Parce que tu... Parce que tu maîtrises rien. Ouais, mais c'est génial, du coup, c'est encore plus... t'es encore plus dans l'abandon, tu vois. Mm. Donc, ce que je veux dire, je sais plus pourquoi on en est venu à parler de ça, mais que... On parlait de Renaud. Ouais. Que Renaud, aujourd'hui, ce n'est qu'un homme comme les autres, hein, Renaud. Aussi. Oui. Donc, combien de... Tu vois, on parlait tout à l'heure de Palmade. Et je disais, ouais, hein, tout le monde s'acharne sur lui. Il a commis un homicide, c'est sûr. Tu veux tout le monde? Oui, je veux bien, merci. Il a commis un homicide, c'est sûr. c'est grave. Oui. C'est très grave. Oui. Il a tué. Oui. Il doit être puni pour ça. Mais parce que c'est un artiste. Mais parce que c'est un artiste, tout le monde donne son avis sur lui. Tout le monde. Mais ça va, quoi. Laissez-le. Tu vois, on ne va pas non plus le pousser dans la tombe. La justice va faire... On ne va pas plus se suicider non plus. Merci, Vincent. Et c'est super. Et donc, du coup, tu vois, Renaud, c'est pareil. Parce que c'est Renaud, il faudrait qu'il fasse que du top. Il faudrait qu'il soit tout le temps. Il faudrait que sa voix n'ait pas vieilli. Il faudrait que sa voix soit parfaite. Il est encore debout pour nous, quoi. Il tient en vie pour nous, hein. Pour son fils, ses enfants, sa fille et son fils. Mais c'est un humain, quand même. À la base, il a donné tellement à la, il a donné tellement à la société. Il a donné tellement à la musique. Enfin, à la musique. À la chanson, et à la chanson à texte. Enfin, il a donné à la musique et il a donné à la société. Parce que je peux dire que moi... Mais il a même créé un langage. Il m'a soulagé de plein de trucs. Non, mais il a même créé un langage. Bah, il nous a tellement apporté. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer, il nous a délivré, il nous a soutenus. Moi, j'adore Renaud parce que, d'abord, petite, j'écoutais... dis papa, c'est quand qu'on va où? Oh. Ah, merde. Voilà. Quatre Loris, Calamitas, hein, c'est normal, ah oui, ça va avec, il n'y a pas de tricherie sur la marchandise. En plus, là, on parle de Renault, donc ça me... Non, mais c'est sonore, alors on fait de la radio, mais c'est beau, c'est de la radio. C'est vivant. On va en faire une autre. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais petite, j'écoutais « Dis papa, c'est quand qu'on va où ?» etc. Et moi, qui étais j'étais bonne à l'école, tu vois, mais je comprenais pas l'intérêt de me bourrer le mou, là, avec de l'histoire géo, des maths, etc. Bah, c'était pareil, exactement ce qu'il dit dans la chanson, ça m'énervait. Pourquoi on nous emmerde avec ça, quoi, tu vois. Et après, quand j'ai eu Alexandre, moi et mon mari, on a dû aller en PMA, parce que j'ai l'endométriose. Avec l'endométriose, je peux pas tomber enceinte naturellement. Donc on a mis 5 ans à avoir Alexandre. J'écoutais Pierrot, quoi. J'écoutais Pierrot. Mais j'ai pleuré sur Pierrot. Elle est tellement belle, cette chanson. Pierrot, mon gosse. Et je la chante aujourd'hui, tu vois. Sur scène? Ouais, je la chante sur scène. Mais Est-ce que t'es aussi ému? Ah bah, bien sûr. Alors, t'essaies de pas trop y penser ou quand tu la chantes? Non, bah, j'assume. De toute façon, les gens savent. Je cache pas, tu vois. Pourquoi? Mais lorsque t'es ému, est-ce que tes cordes vocales se nouent? Non. Ok. Non, enfin, si elle se noue. Tu sais, mais ça s'est jamais produit, Si, bien sûr, mais c'est pas grave. Les gens avec moi sont là. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur la bienveillance des gens, en fait, les gens vont la chanter avec toi. Les gens, ils vont la chanter avec moi. Si je craque, parce qu'ils savent, les gens savent. Moi, je suis, en fait, honnête. Dans la vie, comme sur scène, je suis limpide. Les gens savent que je suis infertile. J'ai eu un enfant, c'est déjà génial. Je remercie la vie pour ça, mon corps aussi, la science. Mais tu l'es pas vraiment parce que, bon, grâce à la science, tu as pu en avoir. Stérile, c'est pas infertile. Ouais, ouais. Tu vois, infertile, c'est que tu peux pas tomber enceinte normalement, comme tout le monde. Mais spontanément. Stérile, c'est que tu peux spontanément comme le pont. Ah, comme la Vierge Marie, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Mais elle, c'est la génération spontanée. Ouais, c'est ça, exactement. Spontanément. Heureusement que moi, parce que dis donc, on est déjà beaucoup sur la planète. Ouais. Mais tu vois, et Renaud, il m'a porté. Ouais. Il m'a porté, il m'a élevé, ça a été un tuteur, vraiment, c'est ce que je te disais, le tuteur, dans le sens arboricole. On peut grimper dessus, et le tuteur, dans le sens, il veille sur moi, ça a été le papa, la maman, quand j'avais plus personne dans ma tête, parce que des fois, moi, dans ma vie, j'étais seule, tu vois, même si aujourd'hui, j'ai ma famille qui est là, et qu'on s'est retrouvés, on a sauvé l'amour et tout, mais c'était dur, tu vois, et donc, Renaud... Je laisse personne le... Oui, c'est clair, il chante mal aujourd'hui, oui. Oui, il a plus sa voix... Il avait déjà une voix spéciale, il n'a jamais très bien chanté. Oui, il le disait lui-même. Bah oui. Encore que moi, il y a des chansons que j'ai... Enfin, il y a des chansons qui sont difficiles à chanter. Alors pourtant, il se disait lui-même qu'il chantait mal. Mais il y a des chansons, je pense... Moi, j'adore. Je pense notamment à... Au revoir les enfants. Sur quel album? Je sais plus sur quel album. Mais c'est quoi la musique? Chiffon, un bébé d'essence. Ah ouais, un enfant. Bah, c'est mort les enfants. Oui, c'est mort les enfants. Ouais. J'ai eu un doute sur le. Ah ouais, c'est ça. J'ai eu un doute sur le titre. Quelle beauté cette chanson. Elle est magnifique. La fin de la phrase, elle va quand même vachement grave. Oh, oui. Bah, bien sûr, il chante bien. Elle est difficile à chanter. Il chante bien, mais il a pas une voix. Tu sais, c'est Aznavour au début, personne voulait de lui parce que soi-disant qu'il avait une sale voix. Alors que Aznavour, c'est quand même Aznavour. De toute façon, c'est Cocteau qui disait ce que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi. Oui. quelque part, à un moment, si t'assumes, moi je suis hyper sensible, on me l'a beaucoup reproché, maintenant les gens m'aiment bien pour ça. Puis en même temps, Aznavour, il y a une chanson... T'as fait ta marque de fabrique. Ouais, ah ouais, il fallait. Ah oui. Mais c'est pas toujours facile. Mais il y a une chanson d'Aznavour que les jeunes essayent de reprendre, puis ils se plantent à chaque fois, c'est « Emmène-moi au pays des merveilles ». À un moment donné, il y a des paroles tellement... beaucoup de paroles en si peu, là. Ah c'est... ouais, il faut du débit. Hein. Oh, ouais, c'est ça. Oh, mais aussi une articulation. Mais hein. Tu sais, Aznavour, c'était. À la fin, il la faisait plus lentement. Il la faisait plus lentement, mais il la faisait quand même. Ouais, mais c'était. Mais c'est quelque immense. Chose. Bah oui. Bah c'est un monument. Ouais. Enfin, Mais tu vois, regarde Gainsbourg. Quand on parle de Renaud, qui est. Bah Gainsbourg, il a pas tenu aussi longtemps que Renaud. Non. On l'empêchait pas d'être sur scène. Non. On le critiquait pas. Bah, c'était mais il n'y a jamais eu de voix, lui, sur toute la ligne. Gainsbourg, c'est un génie. Hein. Ouais. Bah, oui. Je marche silencieux dans vos rues. Je marche silencieux dans vos nuits. Je ne fais pas de bruit. Je passe inaperçu. Je marche dans vos rues. Je marche à la recherche d'une proie. Je marche tout en poursuivant ma quête. Elle est ma raison d'être. La chasse est tout pour moi. Je recherche une proie. Je ne sais pas pourquoi, je m'en fous, c'est comme ça. Je recherche une proie. Je recherche une proie. Je marche au milieu de vous chaque jour. Je marche parce que vous ignorez toute ma duplicité. Et je gagne votre amour parmi vous chaque jour. Nature de serial killer, je suis un prédateur à chacun de mes pas. Je recherche une proie. Je ne sais pas pourquoi. Oh mais je m'en fous, c'est comme ça. Je recherche une proie. Mais vous ne m'en voulez pas. Ma nature est comme ça. Alors, vous êtes en amour. Un génie. Oui. Mais quand tu portes le génie, il y a le prix à payer. Oui, effectivement. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a une immense lucidité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens comme Renaud, ils ont une immense lucidité. Donc il a une immense souffrance pour la société. Il souffre pour 12. Et il est hypersensible. Moi, je le comprends. Moi, je ne peux pas regarder les informations. Je ne peux pas. Je regarde pas les informations. Je ne peux pas. Ça n'apporte rien. D'abord, je serais en panique. C'est de la contre-information. Ou je partirai. En plus, je parle de l'information. Le mieux, c'est le journal. Le journal papier. Ah, ok. Ouais, mais ça dépend lequel. Journal papier, oui, en plus. Moi, je conseille le monde diplomatique. Moi, c'est une réflexion sur les événements passés. Mais pas si passé que ça. Il faut. En tout cas, le papier, je trouve ça très bien parce que t'as pas les images qui te. Voilà. Et tu peux t'arrêter, relire. Mais moi, j'allume jamais BFM. Je peux pas. Tu me mets pas BFM, c'est pas possible. Je sors de la pièce. Hein. Je peux pas. De toute façon, moi, j'allume jamais la télé. Déjà. Et nous, maintenant, on regarde plus la télé. Nous. C'est bien. On y regarde les séries, tout ça, etc. Bon. Des films. Voilà, pareil. Mais tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes ce que l'artiste va donner au monde, il le donne parce qu'il a un filtre, qui reçoit, qui capte peut-être des choses infimes, qui paraissent anodines pour les gens du quotidien, qui vivent dans leur quotidien. Et nous, on est un peu les éboueurs. Hein. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, on est les éboueurs des émotions, moi je suis fière de ça. Donc on va aller chercher, tu vois, on se nourrit de tout. Des fois tu marches dans la rue, tu vas voir un truc, paf, ça te fait écrire une chanson. Ou tu vas croiser quelqu'un, il pleure sur un trottoir, et d'un coup, paf, ça se connecte. Ouais, ouais. Ou un enfant qui galope, là, qui traverse une rue, et hop, tout est prétexte. Une libellule, une guêpe, que tu voulais buter la guêpe, et j'ai dit non, bah hop. Donc, tu peux en faire une chanson. Non mais tout est potentiellement une chanson. Ouais. Et donc du coup, si tu captes tout ça, quelque part, c'est là qu'on a un talent, ce qu'on appelle un talent, hein, enfin un don ou une spécificité, on va dire. Mais il y a une contrepartie. Hein. Ah ouais. Et Renaud, il est complètement concerné par ça. Il connaît l'humain dans toute sa noirceur. Et c'est horrible. Moi, je connais l'humain, pas à l'échelle de Renaud, je connais la noirceur de l'humain. Je me concentre sur sa beauté, parce que c'est insupportable. Lui, je pense que dans sa vie, il s'est retrouvé confronté à la noirceur, et ça l'a court-circuité, quoi. C'était trop dur, parce qu'il était plein d'espoir, et il avait beaucoup d'illusions, quelque part, c'est un utopiste, ouais, il est très pur. Non, l'enfant qui vivait en moi, hein. C'est ça, il est très pur. Il croyait au communisme et tout, de façon complètement comme la génération qu'il représentait. C'était l'espoir, l'idéal, machin et tout. Puis en fait, non, c'est des pourris aussi, merde. Il y en a partout. C'est juste des hommes, quoi. On est cernés, voilà. C'est la nature humaine. C'est ça, et la nature humaine, elle est... Et moi, je suis comme tout le monde, j'ai mon côté pourri et j'ai mon côté beau. Le yin et le yang. Bah ouais. Oui, bien sûr. Mais il y a des pourris chez les hommes et chez les femmes. Hein. Ah ouais, bah non. Non, mais je tiens à le dire parce que nous. Humain en général. Quand même. Vas-y. Donc nous, les artistes, il n'y a pas de raison, c'est pas. Comment dire ? On n'est pas sur Terre que pour faire du beau aussi. Non, mais il faut mettre en scène aussi les trucs tristes qu'on a dit. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Hein. C'est, ah ouais. Je sais plus qui disait ça. Mais les plus inspirants aussi. Mais parfois, j'ai eu ma période de Leonard Cohen où je leur ai dit les larmes Cohen. De mon corps. Ah ouais, ouais. C'est fabuleux. Par contre, je peux pas écouter Pink Floyd. C'est trop beau. Ça me déprime. Ah ouais. Ah. Ah. Non, non, j'ai essayé, j'arrive. J'adore, mais c'est trop beau. C'est un peu comme Étretat, tu vois. Étretat, c'est un site. Il y a beaucoup de gens qui se suicident parce que c'est trop beau. On est dans le sublime. Et il y a des trucs tellement beaux, moi je me suiciderai pas, hein. C'est parce que je suis en train de dire, en écoutant Pink Floyd, mais c'est tellement parfait, leur musique, enfin parfait, c'est tellement ce que je trouve, c'est tellement waouh. En creux, tu te sens un peu merdeux, quoi. Ouais, ouais, quand c'est que tu compares. Ouais, tu faut pas, d'ailleurs. Mais faut pas. Mais c'est vrai, faut reconnaître que... Mais chacun a son style aussi. Non, mais il y a un côté, tu sais, dans Pink Floyd, il y a un côté vibration, là. C'est la vibration, la musique, c'est vibration, les chants, surtout c'est vibration. Surtout, il y a des moments psychédéliques. C'est ça, ça nous emmène dans un truc, waouh. Mais c'est hyper construit, c'est vrai que moi j'ai toujours que je suis un besogneux de la musique, en fait. C'est comme je n'ai pas fait d'études musicales et je suis autodidacte. Moi non plus, hein, ça peut être à l'aise, voilà, oui. En fait, j'y vais par essai-erreur, en fait. Il y en a qui se disent artisans de la musique, mais moi je suis un besogneux. Mais alors justement, tu vois, justement là, on va citer ce que m'a dit Jeanne Rochette dans un cours de chant aussi. Ouais. Elle m'a dit, ouais, mais t'as peut-être pas appris la musique, etc., mais t'as l'instinct musical. Mmh. Et l'instinct musical, c'est le principal. Mais en fait, je te le redis à toi. C'est marrant que ce soit Jeanne Rochette qui me dise ça, parce que oui, je me retrouve avec toi. Que du coup... Peut-être qu'on s'est vu juste pour que je te rappelle ça. Peut-être. Pour que tu relâches un peu ton syndrome d'imposteur. Mmh. Je commence à le mettre de... Il revient de temps en temps. Mais... Bah, il reviendra toujours, mais quand tu sais que le syndrome d'imposteur, t'as d'autres artistes qui l'ont. Hein, plein. Je vais pas donner des noms parce qu'ils le vivraient peut-être pas bien, mais j'en connais plein, j'en parle souvent. Mais il y en a qui devraient l'avoir. Hein? Il y en a qui devraient l'avoir. Peut-être. Ouais. Alors, tu sais, il y a un gars qui m'a dit, ceux qui réussissent en musique, c'est peut-être pas pour la musique qu'ils sont doués, mais ils sont doués parce qu'ils ont réussi. Ah ouais. Ils sont bons en com, ils sont bons en marketing, ils sont bons à faire le réseau de relations qui fait qu'ils rencontrent. Mais qu'est-ce que c'est réussir ? Non mais là, pardon, ceux qui percent, il n'y a pas dit réussir. Mais moi, tu vois, je vais te citer ce que je raconte tout le temps, le percer là. Ouais. Quand j'avais 20 ans, j'étais au Bistrot Blanc. Le Bistrot Blanc, c'est une salle qui a fermé, qui était dans le coin, là, métro Blanche. Ok, bah oui. Ah bon, oui. Pas très loin. Et j'aimais bien cette salle. C'était un caveau, genre caveau des artistes, tu vois. T'avais le café, puis en dessous, t'avais une salle. C'était chouette. Et la nana qui tenait ça, s'appelait Monique, je crois, et était géniale. Elle, après, elle a fait une dépression, elle a arrêté, etc. Beaucoup de petites salles comme ça, enfermées, parce que c'est très chronophage, énergivore, mais assez ingrat. Et j'adorais cette salle, et j'allais là, et donc je fais mes chansons, déjà, en 2007. Moi, je devais avoir 24 ans. Et donc je chante et tout, et je sors, après je bois un verre avec les gens, comme toujours. Et il y a un gars que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui vient me voir et qui me dit avec un peu très condescendant, hautain, comme ça, et qui me prend de haut, moi la petite jeune, tu vois, et qui me dit, vous savez, vous devriez pas chanter vos chansons, hein, parce que si vous voulez percer, il faut chanter des reprises, hein, si vous voulez percer, parce que vos chansons, là, bon, hein, c'est bien, mais il faut chanter des reprises, vous comprenez, pour percer. Et je lui ai répondu, j'ai pas envie de percer, je suis pas un furoncle. Ah ouais. Et puis sa gueule, comme elle. Et il s'est déconfit, et tous les gens qui étaient autour, qui écoutaient, ont éclaté de rire. Et il est parti dans la seconde. Et voilà, tu l'as dégonflé. Je continue de dire ça. Je suis pas un furoncle. J'ai pas envie de percer. Je veux juste être moi. Ouais, bah non, mais. Voilà. Tu sais que c'est Montand qui avait dit ça à Gainsbourg, qui a dit, mais pourquoi tu t'emmerdes à écrire des chansons ? Il y a des gens qui font ça très bien. Mais contente-toi de les interpréter. Ouais, ouais. Au début, hein. Ça m'étonne pas trop de Montand, ça. C'est vraiment. Ouais, mais lui, il était heureux comme ça, mais à Gainsbourg, c'était vital, un besoin, c'était un besoin naturel. Il pouvait pas faire autrement. J'adore mon temps en tant qu'interprète, tant que moi. Voilà. Mais d'un point de vue interprète, c'est... Oui, oui, parce que c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est tout, c'est du musical. J'ai jamais trop accroché, moi. Ah, mais mon temps Reggiani, tu vois, pour moi, c'est des... Ah, oui. Reggiani, oui. Reggiani, je pense que l'homme était valable aussi. Aussi. Donc moi, en fait, j'ai un problème aussi. C'est vrai que j'ai du mal à accrocher avec l'artiste si l'homme, j'aime pas aussi. Ah, ok. Par exemple, Noir Désir, c'est terrible. Parce que extrêmement doué, ce groupe. Génial, mythique, fondamental. Hein. Je me souviens de la tournée de Staki, c'était... Bien sûr. Et là, l'autre jour, j'écoutais Des Armes. Il a fait avec un texte de Léo Ferré, ce truc... Énorme. J'ai rencontré le guitariste. C'est énorme. Ouais. J'ai rencontré Serge, le guitariste. C'est lui qui a fondé le groupe. Ah oui, parce que c'est pas Bertrand Cantat qui a. Mais c'est quand même un immense interprète. Oui. Non, je crache pas dans. Non. Ce que je veux dire, c'est que. Mais quel gâchis, quoi. Oui. Ah oui. Ça c'est clair. Ah oui. Parce que en fait, moi, j'arrive plus à aimer Noir Désir, alors que j'adorais Noir Désir. Il y en a beaucoup qui peuvent pas faire. J'arrive plus parce que. Parce que le gars a basculé et que du coup ça me bloque. Ouais, mais c'est pas bien. Non, mais il faudrait rester sur l'artiste. Le talent ne lui est pas enlevé. C'est ça, ne lui est pas enlevé. Et puis ce qu'il a fait reste encore. Heureusement, il y a au moins cette trace-là de quelque chose de beau qu'il a fait. Donc essayons de retenir ça. Faut pas oublier ça. Mais c'est comme Polanski. J'ai revu Le Pianiste avec mon fils il y a pas longtemps. C'est un film. Le Pianiste de. Non, mais c'est comme Céline, oui. Non, mais Polanski en général, c'est exceptionnel. En ce moment, on est dans une société où on réécrit tout. Oui, mais. Et on réécrit tout en fonction aseptisé. Non, mais pas Woody Allen, c'est exceptionnel. On passe d'une extrême à l'autre. Oui. Mais il faut voir Woody Allen comme le réalisateur et non pas comme le pédophile. Il faut voir James Brown comme un musicien-chanteur extraordinaire et non pas comme un batteur de femmes. Michael Jackson, il faut le voir comme un chanteur, un interprète et non pas comme un pédophile. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai jamais su, moi, si Michael Jackson, il a vraiment été pédophile. C'est controversé, mais il y a des faisceaux de conviction. Hey, tu sais, le gars qui a un petit cirque là, pour... Non, non, ça c'est le complexe, c'est le syndrome de Peter Pan, ça. Oui, oui, oui. C'est pas forcément la même chose. Mais quand il a été en cours, il est en pyjama. Je sais pas. Ouais, en tout cas, peu importe. Après, de toute façon, ces gens, on les connaît pas. C'est sûr, mais voilà. C'est ça le pire. On les connaît pas. Mais voilà. On parle d'eux, là, comme ça. Même Renaud, moi, je parle de lui. Ça se trouve, c'est un gros connard dans la vie. Non, mais j'en sais rien. Ça me ferait mal, mais je ne pense pas. Non, mais prenons l'artiste pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait dans la vie. Pour ce qu'il est comme créateur. C'est pas facile quand même de faire un livre. C'est pas facile ce clivage. Parce que si on fait ça, on doit faire ça pour tout le monde. Non, mais si on fait ça. En fait, moi, j'arrive pas à le faire, moi, dans la vie. Ça serait terminé. Elle est un peu pénible quand même. C'est ça, non, mais ça serait terminé. Je la guêpe, je précise. Je suis un peu pénible aussi. Je parle de la guêpe. C'est le truc gratuit, mais un peu pénible. Et tu gardes ça et tu coupes le reste, et voilà. Oui, t'es vraiment un journaliste. Non, je suis un journaliste. Tu sors la phrase de son contexte. Exactement. Ça me fait rire. Moi, j'aime bien sortir les phrases des contextes. C'est tellement drôle. Comme une marguerite, une grande tige, un gros cœur. Moi, quand j'étais petite, j'étais souffre-douleur. J'étais beaucoup trop grande et j'étais qu'un sac d'os. Je savais pas me défendre, c'était vraiment atroce. J'étais sûrement trop différente, c'était peut-être mon côté grande brêle. Moi, je trouvais les autres filles méchantes, superficielles mais super belles. Vous parlez d'un cadeau. Je disais grande sotte, les autres sont pas méchants. C'est sûrement de ta faute, tu énerves les gens. Avec ce cœur à fleur de peau et tes grands yeux qui demandent qu'on t'aime. T'es un punching ball pour salaud, parfaite pour attiser la haine. J'étais gentille comme pas permis, ça énervait mes camarades. Une gifle et j'aurais dit merci, mais la nuit j'en étais malade. Vous parlez d'un cadeau. J'ai tiré le gros lot, hyper sensible. Mais j'en ai plein le dos, hyper sensible. Je veux plus jouer les masos. Gâcher la vie. Je suis pas une attraction, marre de faire le dos rond. Je veux plus qu'on me martyrise, je veux plus jouer les soumises. Maintenant quand ça commence à sentir le roussi, je mets de la distance, ça s'appelle faire le tri. Y'a moins de monde dans mon répertoire, mais sans me la jouer capricieuse, j'en ai soupé du purgatoire. J'ai gagné le droit d'être heureuse. Allergique aux méchants. Cœur tendre à 100%. Lavage à 30 degrés. Mais super qualité. Repassage interdit. Attention les faux plis. Ceux qui sont pas contents. Je leur souhaite le bon vent. Je leur souhaite le bon vent. Je leur souhaite le bon vent. Chers amis, si je vous ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.